Paris, amour et égérie, écrit par Fleur d'Épine, élu par J0305. Est-ce que je peux te peindre? La demande est presque chuchotée, et Fleur prend un certain temps à réaliser que c'est à elle qu'elle est adressée. Le temps de lever les yeux pour confronter le regard curieux de Luna. Pardon? C'est la seule réaction qui lui vient. Elle se reprend. Elle pourrait être moins désagréable. Désolée, je n'ai pas compris. Son ton est toujours un peu sec, mais elle tente un léger sourire pour l'assurer de ses bonnes intentions. Est-ce que je peux te peindre? Répète Luna un peu plus fortement. Les sourcils de Fleur se haussent instantanément. Depuis des mois qu'elle vit au milieu de leur bande d'artistes, dans l'appartement devenu atelier de la rue de la Grande Chaumière, Luna n'a jamais affiché un quelconque intérêt en sa personne. Tous les autres l'ont peinte. Bill, bien sûr, dès le lendemain de leurs ébats. Dean et Victor, un peu plus tard, après un temps de traque et d'observation. Même les passagers éphémères comme Theodore Nott ou Anthony Goldstein se sont prêtés à l'exercice. Elle ne compte plus le nombre d'heures qu'elle a passées à prendre la pose dans des positions inconfortables pour illuminer de tristes toiles, nues, et puis parfois dans leur lit aussi. Ils l'ont tous complimentée, à de nombreuses reprises, sur le galbe de ses hanches ou la dureté de ses seins, esquissés à l'acrylique partout sur le papier épais, mais jamais Luna. Si bien qu'elle se pensait insignifiante à ses yeux. Et si l'indifférence de Luna l'avait d'abord étonnée, elle s'en était accommodée. C'était même agréable de ne pas être perçue comme un morceau de gibier, pour une fois. Non pas que le regard libidineux des hommes lui était désagréable, elle appréciait être au centre de leur attention et de leurs fantasmes, mais elle commençait à en être fatiguée depuis qu'elle avait rejoint l'espèce de colocation de la rue de la Grande Chaumière. Elle avait de plus en plus l'impression de s'être enfermée dans une forme de prison. Elle semblait n'être devenue que ça, un modèle, une vamp, une égérie. Luna n'est pas un homme, mais ce n'est pas une femme non plus. Elle observe qu'il l'observe et s'étonne toujours de l'état négligé de ses cheveux mal coiffés, cachés sous un chapeau haute forme qu'elle semble ne jamais quitter. Et de la singularité de ses tenues. Elle n'a jamais vu une femme à l'apparence aussi dépenaillée. Mais Luna n'est pas une femme, elle est quelque chose d'autre, complètement à part. Fleur se rappelle avec amusement la première fois qu'elle l'a aperçue. Un soir, à la lueur de la bougie, le visage plein de gribouillis de nuit consacrée à son art, et un genre de moustache brune, élégante, aux extrémités bouclées, qu'elle avait dessinée juste sous son nez. Elle portait un costume d'homme avec un nœud papillon très élégant, mais fait pour un homme. Fleur l'avait saluée et Luna avait porté un regard curieux sur elle. Maintenant encore, ses yeux bleus la scrutent avec une attente. Ses yeux bleus la scrutent avec attente et douceur. Qui est-ce ? Avait-elle demandé une fois Luna disparue. Les garçons lui avaient répondu : C'est Loufoka. Un surnom qui lui avait été attribué en raison de ses excentricités. Fleur avait appris petit à petit à quel point elles étaient nombreuses. Elle en avait parfois été intimidée. Non pas qu'elle était réfractaire à ce qui était étranger, mais cette espèce de folle liberté la bousculait au plus profond d'elle. Et donc, ces mois durant, Luna n'avait jamais semblé porter un quelconque intérêt en sa personne. C'est pour ça que la présente demande l'interpelle. Pour ça qu'elle en est bouche bée. Pourtant, Luna avait déjà reçu des modèles féminins. Ou, si elle n'en avait pas reçu, elle en avait rencontré pendant ces derniers mois, dans la rue, sur les quais, ou dans leurs appartements, Fleur le sait. Elle a observé les tableaux de femmes ou d'hommes s'accumuler dans son atelier. Mais jamais Fleur. Et Fleur ne peut s'empêcher de se demander « Pourquoi ?» avec une obstination presque maladive. « Pourquoi pas moi ?» Et puis, elle avait été comme chamboulée de tomber par hasard sur Luna et cette autre femme un soir, de les voir s'embrasser naturellement, comme si de rien n'était, comme si rien n'était plus logique que deux femmes qui s'aiment ou se désirent, enfin s'unissent une fois la nuit tombée. Elle ne savait même pas que c'était possible. Fleur ouvre la porte du salon, ou ce qui est supposé être le salon, et tombe sur une scène qui la tétanise d'abord, mais qui l'hypnotise ensuite. Une scène comme surréelle, une qu'elle n'aurait jamais cru entrevoir de ses propres yeux, de sa vie. Sur la moquette et quelques petits coussins étalés çà et là, Luna. Son corps nu repose contre le corps tout aussi nu d'une autre femme, et leurs mains s'explorent, ou plutôt se retrouvent, car il est évident qu'elles se connaissent déjà. « Ginny », l'entend-elle murmurer. Elle ne peut pas détacher ses yeux de la scène, leurs bouches se retrouvent dans une passion maîtrisée, tandis que leurs bassins se meuvent dans un même accord, long et cadencé. Tout semble parfaitement accordé. Fleur pense que l'image ressemble à un tableau érotique et elle est aussitôt mal à l'aise d'en être témoin. Il y a quelque chose de secret, voire d'interdit, dans cet instant privilégié entre deux femmes qui s'adonnent au plaisir de la sorte. Elle devrait les laisser, mais elle ne parvient pas à bouger. Elle reste à regarder, toujours crispée sur place, comme si ses pieds étaient incrustés dans le plâtre. Elle ne sait pas combien de temps. Peut-être est-ce juste une longue minute qui s'éternise, ou peut-être est-ce un quart d'heure. Son cœur a comme cessé de battre. Quand Luna croise son regard et lui adresse un sourire, elle est submergée par la honte et s'enfuit. Il est 5 heures du matin, ou dans ces eaux-là. Elle passe la journée dehors à marcher, réfléchir, perturbée. Elle ne rentre à l'appartement que 10 heures plus tard, incapable de se souvenir de ce qu'elle a fait de la journée. « Tu veux me peindre ?» demande-t-elle finalement, pour s'assurer que la proposition n'est pas inventée par son esprit fatigué ou autre chose à laquelle elle n'a pas envie de penser. Luna hoche affirmativement de la tête. « Pourquoi ?»« Pourquoi maintenant ?» est la question qu'elle veut poser. Luna hausse les épaules. « Pour comprendre pourquoi ils peinent tous à te peindre réellement. » Et cela lui embouche un coin. « Tu n'aimes pas les portraits qu'ils ont fait de moi ?»« Ce n'est pas ce que j'ai dit. » Un petit silence s'installe. Fleur songe quelques secondes à la requête, bien que, dans le fond, ces secondes soient inutiles, puisqu'elle connaît déjà l'état de ses sentiments. « Oui, évidemment, tu peux me peindre. » « Merveilleux. Suis-moi, je t'en prie. » Quelques jours après qu'elle a surpris les deux femmes ensemble, et alors qu'elle sort de la chambre de Bill, Fleur tombe nez à nez avec Luna. Elle se regarde sans rien se dire. Luna dans la contemplation et Fleur dans son embarras. « Tu as quelque chose dans la tête ?» demande-t-elle soudainement. Fleur n'arrive pas à parler à Luna. N'arrive pas à parler quand Luna est là. Elle ne saisit pas Luna, ne sait pas comment se comporter en sa présence. En outre, elle est incapable de dire ce qu'elle a réellement dans la tête. Comment le pourrait-elle? Ce serait mal interprété. Luna n'insiste pas et Fleur change de sujet, demande à la place ce qu'elle a prévu pour ce soir. Je vais à l'Escurial. C'est un cinéma. Fleur n'a jamais été au cinéma. Bill trouve que c'est ennuyeux et une perte de temps et que, vraiment, le vrai spectacle, c'est à la Rotonde qu'il se trouve chaque soir. Ceci dit, Fleur aimerait bien tenter le cinéma une fois, comme ça. Luna quitte la salle sans un mot d'au revoir, et Fleur se sent encore plus misérable que quelques jours auparavant. Une fois qu'elles entrent dans son atelier, sa chambre, Luna lui indique le fauteuil, et Fleur s'exécute. Tu veux que je me déshabille? Seulement si tu en as envie. Si j'en ai envie? Je ne demande jamais à mes modèles de se dénuder. J'ai une assez bonne imagination. Ils le font s'ils le désirent. En fait, je ne donne jamais de direction. Je préfère laisser aux autres la liberté. Fleur n'a jamais considéré les choses sous cet angle. C'était toujours évident qu'on attendait d'elle qu'elle se dénude. La réponse de Luna la prend presque au dépourvu. Qu'est-ce que tu préfères pour tes dessins ? Elle a l'esprit trop obtus, trop conditionné pour concevoir tout de suite ce que l'autre lui dit. Donc Luna s'approche d'elle. Dans un geste qui se veut rassurant, elle dépose doucement sa main sur sa joue et la regarde droit dans les yeux. « Mets-toi à l'aise. J'ai simplement besoin que tu sois toi-même. » Fleur hoche la tête et il lui faut une énergie folle pour retrouver un semblant de calme. Qu'est-ce que c'est qu'être soi-même? C'est un autre soir où les deux sont seuls à l'appartement. Chacune vague à ses occupations. C'est-à-dire que Luna rêvasse dans sa chambre et Fleur se saoule dans la cuisine. Puis Luna rejoint Fleur dans la cuisine, sauf qu'elle paraît oublieuse de sa présence, toujours noyée dans ses pensées. Fleur continue de boire, mais elle scrute les moindres faits et gestes de Luna. Elle n'est pas oublieuse de la présence de l'autre, elle, et elle aimerait bien que l'autre la remarque, qu'elle fasse au moins signe qu'elle la considère, par politesse. Fleur a un complexe de l'insignifiance. Pour se faire remarquer, elle l'interroge brusquement. « Tu aimes les femmes ?» Puis, se rendant compte de l'indiscrétion grossière de sa question, « Désolée, je ne voulais pas être impertinente. » Personne ne sait si c'est vrai, pas même Fleur, mais Luna s'en moque. Elle hausse les épaules et répond simplement « J'aime les femmes et j'aime les hommes. » Et Fleur est jalouse de la facilité avec laquelle elle peut arriver à une telle conclusion. Aimer les femmes et les hommes et le revendiquer comme si c'était une idée comme une autre, imagine. Elle ne sait pas si c'est le froid ou la chaleur, mais tous ses poils se hérissent au même moment. Le regard inquisiteur de Luna la pénètre impudemment. Ce qu'elle expérimente actuellement n'a rien à voir avec toutes ses autres expériences de modèle. Elle a opté pour une légère tenue en satin, et maintenant qu'elle se sent plus détendue, elle laisse tomber ses poses habituelles, artificielles, et Luna sourit distraitement. « Je croyais que tu ne m'aimais pas. » « Étrange idée. » « Tu m'as toujours évité. » « Tu trouves ?»« Tu ne parles jamais. » « Je ne suis pas particulièrement bavarde. » « Et tu n'as jamais voulu me peindre. » « Je te peins, maintenant. » « Pourquoi ?» Elle hausse les épaules. « Pour essayer. » « Je représente un défi à tes yeux ?» Luna reste silencieuse un long moment. « Non, un mystère. » Fleur se retient de rire. Entre les deux, Luna est de loin la plus mystérieuse. « On continuera demain. Je peux tenir encore ?»« Non, ça fait déjà 2 heures. » Luna pose ses doigts sur les épaules de Fleur et ce simple geste déclenche une avalanche de sensations en elle. « Tout va bien ?» demande-t-elle, inquiète. Fleur se dit que cette femme, ou non-femme, ni homme, est un ange tombé du ciel. Personne ne s'inquiète jamais pour si peu. Personne n'est aussi humain, aussi généreux et empathique. Et sa peau tremble encore du souvenir de son toucher. Embrasse-moi, demande-t-elle avant de se lever subitement, honteuse de son audace. Mais Luna, si douce, si bonne, la rassure instantanément d'un regard plein de bienveillance et se met sur la pointe des pieds pour déposer un baiser au coin de ses lèvres, si léger, si tendre, si parfait. Fleur ferme les yeux et bientôt ses mains sont sur Luna, sur le corps de Luna, mais Luna l'arrête là, gentiment mais nettement, et Fleur a l'impression d'une douche froide. Elle la regarde désespérément, ses yeux demandent « Pourquoi ?» comme ils le font tant de fois avec Luna. « Tu ne me dois rien ?» rétorque-t-elle simplement. Fleur ne comprend pas. Elle sent que quelque chose lui échappe. Il n'y a pas de don ni de tête. Tout est gratuit et instinctif ici. Ou l'est-ce vraiment ?« Va dormir, » souffle Luna. Et ses yeux sourient maintenant. Ses yeux sourient. Cette personne n'est pas humaine. Et c'est vrai que Fleur est fatiguée d'ailleurs. Elle pourrait s'écrouler sur le fauteuil. « Je suis fatiguée, » s'entend-elle avouer. Le visage de Luna semble dire « Je sais », mais elle ne prend pas la peine de l'énoncer. Ce n'est pas son genre. « Je ne vais pas dormir avec eux », ajoute brusquement Fleur, malgré elle. Luna reste silencieuse un long moment, semblant tout à coup comprendre une énigme dont Fleur ne pense pas avoir connaissance. « Tu peux dormir dans mon lit, chérie, dans le salon ?»« Non, tu ne vas pas dans le salon. Dors avec moi. » Un silence se forme à nouveau, plus tendu cette fois. Je n'attends pas de récompense, tu sais. Puis, je ne suis pas comme eux. Et Fleur comprend enfin. Je sais. C'est pour ça que je veux dormir ici. avec toi. Oh. Oh. Dans ce cas... Luna sourit à nouveau, du plus beau sourire qui existe, et elle pointe du doigt un matelas coloré de mille nuances dans lequel Fleur s'écoule avec un plaisir infini. Dans lequel Fleur s'écroule avec un plaisir infini. Merci. A-t-elle à peine le temps de formuler avant de s'endormir pour de bon? Merci à toi, répond Luna sincèrement, mais Fleur ne l'entend pas. Elle est déjà dans ses rêveries. Fleur se réveille dans un lit inconnu encore, et elle est épuisée de ne plus avoir de repères les matins, parce qu'elle n'a pas de réel foyer. Mais une chevelure blonde fait face à son visage, et l'odeur de lavande la rassure instantanément. Luna. Elle se souvient de la séance de la veille, et de la douceur de Luna et de sa bêtise. Et elle a honte d'avoir réclamé un contact, un bisou bon sang, et honte de s'être jetée dans ses bras, honte d'avoir été rejetée surtout. Elle préfère ne plus y songer. Lorsqu'elle se lève, Luna ouvre les yeux et elles échangent un sourire complice. « Tu veux reprendre le portrait ?» Les grandes pupilles inquisitrices de Luna sont de nouveau sur elle. Elles sondent toujours et sont faites pour ça. Fleur se demande ce qu'elles veulent trouver cette fois. Et ce qu'elles trouvent et comment elles s'y prennent. Tu devrais aller manger d'abord, c'est plus important. Mais mon ventre va être énorme après, ce sera moins joli. Luna explose de rire et Fleur est vexée. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose de drôle? Oui. Très drôle. De croire que je préfère ton esthétisme à ta santé. Ou pire, de croire que ta beauté se définit par la taille de ton ventre. À moins que ce ne soit l'idée qu'un peu de ventre soit quelque chose de rédhibitoire. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Fleur n'arrive pas vraiment à dire avec Luna. Elle ne l'a jamais vu rire auparavant. Pardon. S'excuse cette dernière en essuyant ses larmes. Ce n'est pas toi qui es drôle, c'est l'absurdité du regard masculin sur nos corps. Mais toi, tu es parfaite comme tu es. Tu trouves ça beau, un ventre gros? Demande-t-elle pour avoir confirmation et parce que c'est tout de même improbable. Je trouve ça magnifique, répond Luna avec un délicieux sourire et Fleur est épatée. Mais un ventre plat? Je trouve ça beau aussi. Et juste parce qu'il doit, d'une manière ou d'une autre, se sentir concerné, le ventre de Fleur se met à grogner. « J'y vais. »« Bonne idée, » rétorque Luna en s'exclaffant. Finalement, Fleur est partie se promener avec Cédric pour l'après-midi, et Luna est allée chez une amie. Le soir, lorsqu'elle se retrouve avec les autres, quelque chose a changé. De leur séance en tête-à-tête est née une sincère complicité. Luna accepte même de passer les repas avec la bande et tout le monde s'alarme. « Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait à Luna Lovegood ?» J'en ai fait une réplique et ai tué l'original car elle prenait trop de place. « Les rats doivent être en train de la manger à cet instant, » répond-elle tout à fait sérieusement. Les gars la regardent, médusés et horrifiés par cet humour de si mauvais goût, mais Fleur rit aux éclats. « Si c'est les rats, ça va encore, il y a maintenant des cafards !» Fleur, ne rentre pas dans son jeu, la met en garde Simus. Reste du côté de la cohérence et du bon esprit, je t'en prie. Je crois que c'est trop tard pour ça. Tu l'as contaminée, Luna. Je n'ai rien fait, répond innocemment cette dernière. Lorsque tout le monde se sépare, Fleur la suit dans son atelier. Je crois qu'on a des affaires en suspens ici, déclare-t-elle joyeusement. Je crois aussi. Maintenant, en pleine confiance, elle s'est déshabillée et l'on pourrait presque se tromper sur la nature des activités en cours. Mon ventre est un peu gonflé, mais c'est parfait. C'est ce que je me disais. Fleur est de plus en plus à l'aise avec cette idée, en présence de Luna aussi, même si ça ne date que d'hier. Ce qu'elles ont simplement commencé à construire a pris une place immense. Jamais elle ne s'est sentie si forte d'une relation avec une autre personne. Jamais elle ne s'est sentie si femme. Même dans les bras des hommes, ou vêtue des paillettes les plus affriolantes. Et mon bras droit, je ne sais jamais quoi en faire. Lève-le en l'air, puis fais-le retomber. Et laisse-le rebondir un peu, puis là où il veut s'arrêter. C'est n'importe quoi, mais d'accord. Fleur dort dans le lit de Luna, cette nuit aussi. Je crois que je veux t'embrasser à nouveau, avoue-t-elle avec incertitude, juste avant de se coucher. C'est une réponse mécanique de ton corps. À chaque fois que quelqu'un t'offre quelque chose, tu as l'impression que tu lui dois quelque chose en retour. C'est du moins ce qu'ils ont imprimé dans ton cerveau. C'était cruel de leur part d'ailleurs, car tu n'existes pas pour combler leur plaisir, tu existes pour toi. Du reste, rien ne devrait être payant dans la vie. Je te répète à nouveau que je n'attends rien. Tu es libre. Tu n'attends pas à agir d'une certaine manière parce que toute conclusion amènerait à penser que... En d'autres termes, l'attraction que tu crois ressentir pour moi est factrice. Et j'en veux la preuve. Et j'en ai la preuve que tu n'aimes pas les femmes. Au mieux, c'est ta curiosité pour ce qui est inédit et ton besoin d'être au cœur de toutes les envies. Au pire, c'est une internalisation inconsciente des besoins des autres. Dis-moi, tu n'as jamais été attiré par une femme, à part moi, dans ce contexte précis? Je ne me trompe pas? Et si je ne t'avais pas accordé cette attention? Si je ne t'avais pas peinte? Aurais-tu ressenti cette même attirance? Fleur ne dit rien. Je ne suis pas sûre de comprendre. Tu ne veux pas m'embrasser. Tu crois que tu le veux, mais ce n'est pas vrai. C'est une réaction instinctive de ton corps qui apparaît à chaque fois que quelqu'un te porte de l'attention. Tu te sens recevable, tu te sens redevable. Mais cela n'a pas lieu d'être, pas avec moi du moins. Je n'abuserai jamais de mon pouvoir sur toi. Et j'espère que tu me fais assez confiance pour cela. Cette fois-ci, Fleur cherche à se convaincre qu'elle ne comprend pas. Parce que ce que dit Luna est beaucoup trop vrai et beaucoup, beaucoup trop douloureux pour qu'elle l'accepte. Pas dans ce lit, pas avant de dormir en tout cas. Peut-être plus tard, peut-être demain matin, ou dans une semaine, ou dans 4 ans. Évidemment, elle y pense au matin même. Et l'idée ne fait que tourbillonner dans sa tête. N'ai-je pas toujours agi pour répondre aux désirs des autres? N'ai-je jamais eu de libre arbitre? Elle pourrait pleurer. Mais elle n'est pas du genre à se laisser aller. D'ailleurs, les jours suivants, elle cherche de la solitude. Elle a besoin de se recentrer. Elle retourne chez Rosmerta, voit les autres danseuses avec lesquelles elle a commencé dans ce stupide music hall de Montmartre avec le chaudron baveur. Elle se souvient de la facilité avec laquelle elle s'est laissée entraîner par Bill, chez Bill et chez Dean, Simon, Cédric, Victor, et surtout chez Luna. Elle se déteste d'avoir été si docile. Mais en même temps, elle a le souvenir d'avoir aimé ça. Chaque baiser de Bill, ses maximes pseudo-intellectuelles et son charme fatal. Elle a toujours été dans le contrôle. Ce n'était pas de la passivité. Mais elle s'en veut de s'être laissée entraîner d'un cabaret à l'autre, d'une troupe à une autre, d'une tutelle à une autre, sans jamais oser s'affirmer. Bien qu'elle ait plutôt été une femme de caractère, mais quel caractère si elle a toujours eu besoin du regard des autres, des hommes, pour subsister? Et en même temps, elle se félicite de cela, car sans cela, elle ne serait jamais arrivée là, à cette prise de conscience subite, à une remise en question totale de son existence, à Luna. Et à chaque fois que Luna pose ses mains sur Fleur, à peine une demi-seconde, pour redresser légèrement sa tête ou détendre ses épaules, elle sent le contact envoyer des électrochocs recouvrir tout son corps. Mais elle ne sait plus si c'est la situation qui la conditionne ou si tout cela est réel. Elle retourne à leur soirée, à la rotonde, et tente de reprendre sa vie comme si rien n'avait changé, mais tout a changé. Tout ce qu'elle voit, goûte, expérimente, a une tournure différente maintenant qu'elle sait. Ce qu'elle était heureuse alors dans l'ignorance, ce qu'elle est malheureuse aujourd'hui, profondément malheureuse, ce qu'elle maudit Luna, et ce qu'elle aime tout autant. Elle veut dormir dans son lit à nouveau, mais ça ne s'est pas fait depuis plusieurs jours, et maintenant elle a peur d'y retrouver Ginny. Elle ne pourra pas le supporter. Mais ça n'a pas de sens, parce qu'elle n'éprouve rien de sérieux envers Luna. Simplement une stupide possessivité. Ça va lui passer. Ça ne lui passe pas. 3 jours plus tard, alors que Luna noue ses lacets. Flair lui tombe dessus. Où te rends-tu ? Interroge-t-elle, l'air de rien. Voir Ginny. Encore ? Qu'est-ce qu'elle a ? Ce qu'elle a ? De plus que moi. Pour qu'elle nécessite autant ta présence ? C'est mon amie. Moi aussi, je suis ton amie. J'ai plusieurs amis, énonce-t-elle étrangement. Et moi, je n'ai que toi. Est-ce que ça sonne pathétique ? Mais c'est vrai, elle en prend conscience à présent et comprend peut-être pourquoi cette obsession soudaine envers Luna, qui est la seule personne qui lui a donné quelque chose sans rien exiger en retour. Luna est mon amie, Luna est ma seule amie, et je suis possessive. Elle quitte la salle en lâchant un « bonne soirée » qui se veut détaché. Tu ne m'as jamais montré mon tableau. Luna met littéralement 10 minutes à lui répondre. Avant cela, elle finit de gribouiller des mots sur des feuilles désorganisées et raturées. Je ne l'ai jamais fini. Pourquoi ça ? Luna répond comme à elle-même, réfléchissant. Il me manque quelque chose, un ingrédient. Je me demande peut-être qu'une mèche de cheveux... Mais non, c'est trop grossier. Tu veux reprendre les poses ? Je ne sais pas si ce serait utile. Peut-être que ça pourrait te donner une nouvelle idée ? Elle hésite, mais dans la détermination de Fleur, elle semble trouver une impétuosité qui la satisfait. Bon, d'accord. Fleur tente des poses différentes. Elle se tient debout près de la table, dans une longue robe au décolleté plongeant, blanche. Lorsqu'elle a vu sortir de derrière le paravent tout à l'heure, Luna a laissé échapper un léger sifflement. « Tu aimes ?» demande Fleur. « Et toi, tu aimes ?» Fleur se mord les lèvres. Elle n'est toujours pas habituée à ce qu'on lui demande son avis. « Je veux te plaire. » Luna soupire dans son coin, puis, plongeant ses yeux dans ceux de Fleur, lui confirme. « Tu me plais. » Et sans laisser le temps à son interlocutrice de réagir, elle change brutalement de sujet. Marguerite ou tulipe ? Pardon ? C'est quoi tes fleurs préférées ? Je n'ai pas de préférence. Mais à choisir, tu es plutôt marguerite ou tulipe ? Entre les deux, un peu des deux, je ne sais pas. Marguerite peut-être, c'est plus joyeux. Va pour la marguerite alors. Très bien. On peut recommencer. Araignée grise, araignée d'argent. Ton échelle exquise tremble dans le vent. Tu aimes ? Prends-le, il est pour toi. Sérieusement ? Moi, je n'aime pas. Ça peut plaire à quelqu'un. Fleur range le bout de feuille dans la poche de son chemisier, près de son sein, près de son cœur. C'est le premier cadeau de Luna et elle le considère avec honneur. Elles sont de plus en plus proches, mais ont toujours un peu de mal à se comprendre. Le mystère autour de Luna demeure intact. Elles ont recommencé les séances de pose. Elles prennent le temps, apprennent à se connaître, à se conquérir, à s'apprivoiser. « Parle-moi de ce que tu aimes, pas de ce que tu fais », lui demande Luna. Et Fleur se soumet à l'exercice. Elle dit qu'elle aime l'été, la photographie, la justice et l'égalité. Elle aime rire et se sentir aimée. La liste se prolonge et elle s'étonne de parler autant, librement, sans censure ni honte. Elle lui demande après « Et toi ?» Et Luna se complaît à répondre qu'elle aime observer les autres et écrire et peindre et découvrir et d'être surprise. Oui, être surprise, cela, elle adore. Et les femmes et les hommes et ce qui n'a pas encore de nom et la liberté et toutes sortes de bestioles et la nature. Et bientôt Luna s'emporte dans une envolée elle aussi. Et Fleur a les yeux qui pétillent car c'est extrêmement rare que Luna parle autant d'un coup et c'est agréable. Cette nuit encore, elle s'endort dans son lit. Ça commence à être redondant, si bien que même les autres l'ont remarqué. Ils ne disent plus rien, trop vexés de s'être fait doubler. Quand elles ne se rencontrent pas pour le tableau, Luna guide Fleur à travers la ville. Comme elle le lui avait promis, Paris, ses faubourgs, Montparnasse, l'absinthe, les devantures, le bœuf sur le toit, Suzy de Clair, les lumières, l'accordéon, la valse musette, Mistinguette, le jazz, le dôme, les murs des cafés, ces galeries improvisées. Ces galeries improvisées. Le soleil de l'art qui brille seulement sur Paris, comme l'écrit Chagall. Elle ira l'amener au cinéma, aux Folies Bergères, puis à Saint-Germain. Même chez Gabriel Guipure, pour que Fleur découvre tout Paris et qui est enfin le huis clos de l'appartement des garçons. C'est ainsi que cela se passe. Lorsqu'elle l'a amenée aux Folies Bergères, elles y ont vu Joséphine Baker. « Je veux être comme elle !»« Tu pourrais être comme elle. »« Ne te moque pas. »« Je suis très sérieuse. » Et chez Madame Guipure, la grande couturière de l'époque, Fleur a fait grande sensation. C'est la première femme qui a cessé de porter le corset, raconte Luna. Tout le monde l'a suivie après cela. Tu la connais personnellement? Comme ça? Mais je suis certaine qu'elle va t'adorer. Pourquoi? Tu respires l'élégance et le bon goût. Fleur ouvre la bouche avec surprise, mais n'a pas le temps de répondre qu'elles entrent dans la boutique et que Gabriel les lorgne instantanément en fronçant les sourcils. Encore ces costumes stupides! Raille-t-elle en s'adressant à Luna, qui explose d'un rire franc. Si tu en créais, je serais la première à les porter, et beaucoup d'autres me suivraient. Des costumes masculins pour les femmes? Ça n'est pas près d'arriver. Je préfère affronter le regard outré de Madeleine que de m'y plier. C'est qui celle-ci? Demande-t-elle après avoir aperçu Fleur. On m'appelle Fleur, répond-elle avec défi. Gabrielle la jauge. Et on l'a élevée où, Fleur? On ne m'a pas élevée. Je me suis élevée. Je vois. Et qu'est-ce que vous pensez de la mode parisienne? Je pense que tout est une question de proportion. C'est quoi ce que vous portez? Des tissus de fripe que j'ai refignolés à mon goût. C'est pas trop moche. Et Fleur explose de rire. Et Gabrielle se tourne vers Luna. Je l'aime bien. Et Luna sourit l'air de dire « Je savais. » Tu me l'envoies pour une raison précise? Tes créations lui iraient à la perfection. Gabrielle semble réfléchir. Elle mate à nouveau la silhouette de la nouvelle, puis décide que ça la satisfait, puisqu'elle lui demande ensuite si elle s'est posée. C'est pas bien compliqué. Alors venez, essayez ça. Et Fleur, telle une poupée, passe l'après-midi à se faire habiller. Une assemblée de robes défile, toutes créées par la grande Gabrielle Guipure. Lorsqu'elle quitte la boutique, il fait presque déjà nuit. Tu as de drôles d'amis? Tu n'as jamais rencontré aucune autre de mes amies. Mais j'imagine qu'elles sont toutes un peu cinglées comme ça. La réaction enthousiaste de Luna prouve à Fleur qu'elle ne s'est pas trompée. Il est temps. Deux. Que je t'amène enfin au cœur de Paris. Je pensais que le cœur de Paris, c'était Montparnasse. Enfin, plus précisément, le carrefour Vavin-Raspal-Montparnasse. M'aurais-tu donc menti tout ce temps? Montparnasse, c'est le cerveau de Paris. Mais son cœur, là où ça palpite vraiment, c'est dans la pénombre et chacune de nos fibres. C'est à Saint-Germain. Saint-Germain-des-Prés? Celui-là même. Et qu'est-ce qui se passe donc à Saint-Germain-des-Prés? Luna prend un air distrait et mystérieux. Tu as du temps libre devant toi? Je n'ai que ça. Ma patronne en a terminé avec moi, je crois, ajoute-t-elle avec un brin de malice. Alors Luna l'entraîne à Saint-Germain, lieu des femmes, des lesbiennes, des américaines. Elles sont des dizaines à se retrouver là. Des journalistes, des photographes, des modèles, des écrivaines. Ces femmes de la rive gauche dans leur société privée. C'est le noyau du monde ici. Enfin, du monde féminin, mais c'est pareil, ajoute-t-elle avec un clin d'œil. Elle s'assoit à un café à côté de l'église Saint-Sulpice, dans lequel un groupe de femmes est installé et, dans un coin, plusieurs paires d'entre elles en tête-à-tête, confidentes et familières. Notant sa curiosité, Luna lui confirme qu'elles sont en couple. Et ça ne gêne personne? C'est plutôt habituel dans ce coin-ci. Oh, ça doit gêner des tas de personnes, évidemment, mais ces personnes-là n'ont pas leur mot à dire à Saint-Germain-des-Prés. Ici, tu peux tomber sur Juna Barnes, Natalie Barney, Sylvia Beach ou Anaïs Nin. Il y a aussi le salon de Natalie Clifford Barney qui se tient toutes les semaines pour discuter des sujets lesbiens. Elle invite des personnalités majeures du monde des arts, telles que Roman Brooks, Colette, Radcliffe Hall, Lavande Brown ou même la très grande Minerva McGonagall. C'est un cercle très diversifié, anglo-américano-français. Tiens, maintenant que tu la connais, Rita Skeeter vient souvent à ses salons. Pardon? C'est une plaisanterie? Luna rit aux larmes devant l'expression déconfite de Fleur. Madame Skeeter est une bisexuelle notoire. Je ne pensais même pas que cette espèce de femme avait une sexualité. Tu serais étonnée. Comment tu sais tout ça? Oh là là! Est-ce que vous vous êtes déjà fait du gringue? Dis-moi que non, je t'en prie. À cela, Luna redouble de rire et Fleur la rejoint, certainement un peu soulagée de savoir qu'il y a méprise. Non, jamais. Et donc, reprend Fleur plus sérieusement, un tel lieu existe? Je suis épatée. C'est donc là que vous passez votre temps avec Ginny. Ici même. Et ceci serre un peu le cœur de Fleur, car elle a beau se convaincre du contraire. Elle est en train, doucement mais sûrement, de tomber amoureuse de Luna. J'ai l'impression que tu crois que je traîne avec toi juste parce que j'ai horreur de la solitude. Et c'est faux. Je traîne avec toi parce que je t'apprécie. Luna reste intangible, muette. Tu m'entends? Je suis désolée, Fleur. Ton tableau, je suis incapable d'y arriver. C'est ça qui te met dans cet état? Je te jure que je m'en moque. Ça n'a aucune importance pour moi. Non, c'est grave. Je veux te rendre honneur. Dans ces moments-là, où elle se sent être le centre du monde pour Luna, elle est la plus heureuse. Oubliez sa jalousie envers Ginny ou ses moindres doutes, ses superstitions stupides. Ils disent que je suis une surréaliste, mais je déteste ces gens-là. Ils sont prétentieux et superficiels. Je n'aime chez eux que leur envie de révolte, de transgression, et encore là, ils échouent. Ils ne sont que des caricatures d'eux-mêmes. C'est la première fois que Luna fait part de ses doutes de la sorte, si bien que Fleur semble enfin comprendre que Luna n'est pas une divinité quelconque, ni un surhomme. Luna est Luna, et Luna peut pleurer, même si ça lui paraît improbable. Pour ce que ça vaut, je te trouve infiniment plus douée et profonde que tous les hommes de ce siècle. Et Fleur est, plus ou moins, surprise de considérer à quel point c'est vrai. Luna la sonde, incertaine. C'est la plus belle chose qu'on m'ait dite. Quelques semaines plus tard, c'est l'anniversaire de Fleur. Depuis son départ en fanfare de la coloc, elle bosse aux Folies Bergères, sur la suggestion de Luna, et grâce à l'influence de Gabrielle et de Ginny. C'est encore son corps qu'elle vend, mais elle le fait en connaissance de cause cette fois, et avec un nouvel élan, une nouvelle vigueur. Elle est son propre patron, et elle a même déjà pris le thé avec Joséphine Baker. Sa vie entre maintenant et ses débuts à Paris n'a rien à voir. Elle a appris auprès des plus grandes femmes de Paris. Ce soir, pour son anniversaire donc, Luna et Ginny, ainsi que Mademoiselle Guipure, sont venues la voir. Elle a rencontré Ginny pour la première fois il y a quelques jours. C'était difficile de la haïr. Elle est de ces femmes vivantes, intègres, fières, qui n'inspirent que de l'admiration, mais aussi de la jalousie. Comment rivaliser? On ne peut pas. Elle retourne dans sa loge après le spectacle. Elle y découvre un bouquet de marguerites avec une lettre où sont écrits ces mots. Tu mérites un amour décoiffant qui te pousse à te lever rapidement le matin et qui éloigne tous ces démons qui ne te laissent pas dormir. Tu mérites un amour qui te fasse te sentir en sécurité, capable de décrocher la lune lorsqu'il marche à tes côtés, qui pense que tes bras sont parfaits pour sa peau. Tu mérites un amour qui veuille danser avec toi, qui trouve le paradis chaque fois qu'il regarde dans tes yeux, qui ne s'ennuie jamais de lire tes expressions. Tu mérites un amour qui écoute quand tu chantes, qui te soutient lorsque tu es ridicule, qui respecte ta liberté, qui t'accompagne dans ton vol, qui n'a pas peur de tomber. Tu mérites un amour qui balayerait les mensonges et t'apporterait le rêve, le café et la poésie. Ça a à peine le temps de s'enregistrer dans son cerveau qu'elle sort en courant, dévale les escaliers à la volée, toujours vêtue de ses talons et d'une tunique presque transparente qui laisse entrevoir ses tétons pointés. Elle accélère jusqu'à atteindre, enfin, le trottoir, à la recherche d'un chapeau haute forme et de yeux bleus perçants. Elle reconnaît Gabrielle qui discute en retrait de la foule avec une autre femme. Pas Luna, c'est tout ce qui compte. Pas Luna. « Où est Luna ?» demande-t-elle, hors de souffle. Gabrielle lui lance un regard. « Pourquoi ? Il y a le feu ou quoi ? Dites-moi où elle est. » La force et la détermination si étrangères dans la voix de Fleur lorsqu'elle s'adresse à Gabrielle décident cette dernière à prendre la requête au sérieux. Elle est repartie, elle avait des plans. Quel plan ? Ginny est partie aussi, n'est-ce pas ? Elles sont rentrées ensemble ? Elles avaient des plans, répète Gabrielle avec détachement. Se tournant vers son interlocutrice, elle reprend avec un flegme qui déchire les entrailles de Fleur. « À mardi, madame. » Puis la retrouvant aussitôt. « On y va ? Il me semble que nous avons un anniversaire à fêter. » Fleur la suit tristement, mais son cœur est en serpillière. Une fois dans le salon, la vieille Gabrielle Guipure fume sa cigarette comme un pompier. « Vous avez le même nom que ma sœur, » déclare de façon totalement impromptue Fleur. C'est la première fois qu'elle révèle avoir une sœur, à quiconque. « Ça me fait une belle jambe. »« Vous êtes aussi sympathique qu'elle. »« Ça n'a pas dû être tendre, l'enfance. » rétorque alors l'autre d'un air pincé. « C'était coloré. » Gabrielle renifle et toutes deux s'évadent dans leurs pensées. « Pourquoi ça t'embête tant que Luna soit partie avec Ginevra ?»« Il n'y a que Gabrielle Guipure pour l'appeler Ginevra. » J'aurais aimé qu'elle soit là. J'ai l'impression qu'elle m'abandonne. Je ne comprends pas ce qu'il y avait de si urgent à voir Ginny ce soir, alors qu'elle la voit déjà quasiment tous les soirs de la semaine, et que je ne vis plus chez elle, avec elle, et que je fête mes 26 ans aujourd'hui. Tu sais ce qu'on dit. Si tu es triste, ajoute plus de rouge à lèvres et attaque. Que ferais-je sans vous, Madame Guipure ? Rétorque-t-elle avec ironie. Un petit silence tranquille s'installe. Gabrielle finit la coupe du précieux champagne qu'elle a acheté pour l'occasion. Tu ne sais vraiment pas ce qu'elle fait, n'est-ce pas ? Et comme Fleur lui lance un regard confus, elle soupire. Elle ne t'a pas tenu au courant des raisons pour lesquelles elle voit si souvent Ginevra. Ce n'est pas une question cette fois. Fleur se fige. Elle sent que quelque chose se joue là, qu'elle est passée à côté d'un élément crucial, ou qu'on va lui dévoiler une vérité difficile qu'elle n'a jamais réellement voulu admettre. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Gabrielle étend ses jambes sur le petit tabouret et soupire une nouvelle fois. « Luna et Ginevra font partie d'une association de femmes qui se réunit illégalement afin de lutter pour que les hommes et les femmes disposent des mêmes droits. On y fait des tracts et on organise des manifestations pour sensibiliser le public à ce combat. J'y participe moi-même. J'ai déjà accueilli une de ces réunions secrètes ici, d'ailleurs. » Le cœur de Fleur bat la chamade. Elle ne s'attendait certainement pas à ça. Elle est si survoltée qu'elle sent le sang battre dans ses tempes. Quel genre de droit ? Réussit-elle à demander sans faire trembler sa voix. Ne sois pas naïve. Depuis la fin de la guerre, la place de la femme est définie par sa place au foyer. Tout le monde a si facilement oublié le travail qu'ils ont fourni pendant que les soldats étaient au front. L'opinion demande de ne pas coiffer Sainte-Catherine. Il n'y a aujourd'hui rien de pire que les vieilles filles, les célibataires. Même une meurtrière est mieux accueillie. L'unique destinée à laquelle peut prétendre chaque jeune femme, c'est le mariage et la fondation d'une famille. Qui ne voudrait pas de ça ? Certes, on voit de plus en plus de figures féminines dans les métiers artistiques ou d'autres domaines comme la science, mais ce sont des exceptions. J'en veux pour preuve qu'il y a 3 ans, Aristide Briand a porté une loi pour que les femmes aient le droit de vote et elle a été refusée. Chez nos voisins anglais, les femmes disposent du droit de vote depuis la fin de la guerre grâce au travail effectué par les suffragettes. Aucun avancement chez nous. Et puis, c'est aussi le droit à l'avortement, à la contraception, à la libération sexuelle, ce genre de choses. Je veux faire partie de la lutte. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ? Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ? Murmure-t-elle. Gabrielle hausse les épaules. Pour ne pas t'embarquer dans des histoires dangereuses, à ce que j'en sais. Je ne veux pas te vexer, mais tu n'as pas l'air d'une fille qui accepte de se salir les mains. Peut-être qu'elle ne savait même pas ce que ça t'intéressait. Laissez-moi vous dire que vous vous trompez lourdement à mon sujet. Le regard de Fleur est féroce. Si une cause me semble juste, je suis prête à tout pour la défendre. Ce n'est pas parce que je suis coquette que je ne peux pas me battre. » Gabrielle hausse les épaules. « À qui le dis-tu ?» Depuis que Luna a réalisé à quel point Fleur s'était éveillée sur sa condition et sur les sujets féministes de façon générale, et qu'elle l'a introduite dans son cercle, et qu'elle partage ensemble des débats enflammés sur les moyens dont elle dispose pour accomplir leurs actions, leur relation s'est encore renforcée, si c'était possible. Elles ont fait du tractage ensemble dans les rues désertées de la ville une fois la nuit tombée. Elles ont couru sous la pluie à 4 heures du matin pour semer une bande de flics qui les avaient repérés. Elles ont participé à des manifestations sauvages pendant lesquelles Fleur hurlait des slogans à gorge déployée et Luna la regardait avec fierté. Un jour, elle lui a même dit « C'est incroyable comme tu as changé ». Elle la regardait comme elle seule sait le faire, avec douceur et sagacité. Elles étaient si proches physiquement, certes, mais dans leurs esprits aussi. Si proches qu'il suffisait d'un presque rien pour sceller leur destin. Fleur n'a pas scié, comme foudroyée par les mots de Luna, exactement comme à chaque fois qu'elle se sent observée par l'autre, qu'elle se sait analysée et décryptée, scrutée jusqu'au plus profond de son âme. Ça lui fait toujours des chatouilles dans le corps, des frissons sur les bras, des papillons dans le ventre. Exactement comme la première fois, dans son atelier, dans sa chambre. La première fois qu'elle a dû poser. Mais c'est encore plus profond cette fois, parce qu'elle est sûre de la nature de ce qu'elle ressent. Oui, elle a grandi. Oui, elle a changé. Puis Luna s'est rattrapée. Non, tu n'as pas changé, je me trompe. Tu as toujours été comme ça. Mais la fleur s'est épanouie. Et Fleur a souri. Elle avait besoin d'un peu de soleil pour y arriver. Une émotion troublée a alors traversé le visage de Luna. Une expression si violente et si douce à la fois. Tu es heureuse cette fois ? Je suis heureuse pour la première fois. C'est cette vie qu'elle avait toujours rêvé d'avoir. Elle pensait autrefois que la liberté, c'était quitter ses Alpes pour Paris, la grande Paris, et s'y construire une vie à partir de rien, parce que c'était ce dont Paris se vantait. Permettre à n'importe qui de devenir quelqu'un. C'était flâner dans des carrefours, danser dans des cabarets, traîner avec les artistes. C'était coucher comme on veut, avec qui on veut, et aimer qu'on nous aime. C'était devenir la muse des poètes. C'était vivre la vie de bohème. C'était sortir tous les soirs et se saouler à n'en plus savoir parler, et rire à oublier qui l'on est. Et si ces moments étaient des plaisirs sur le coup, il lui paraissait si léger à côté de ceux d'aujourd'hui. Maintenant qu'elle les a, ses vrais amis, sa vraie liberté, sa vraie identité. Il lui a fallu du temps, mais elle y est parvenue. À force d'obstination et de fortune, en fin de compte, tout est possible. Et elle est heureuse, oui, pour la première fois de sa vie. Elle sait qu'elle a été heureuse autrefois, mais aucun bonheur n'équivalait à celui-là. C'est comme s'ils avaient été des essais approximatifs avant ça. Ce bonheur brut, réel, intense. Ce qu'elle tient, là, du bout des doigts, rien que pour cela, elle pourrait embrasser Luna. Et mourir, car elle a atteint le point culminant de sa vie. Même si elle aimerait bien vivre encore, longtemps. Assez longtemps pour voir le résultat de leur combat se concrétiser. Assez longtemps pour avoir de lourdes cernes sous les yeux, et de grosses rides, et connaître l'amour, le vrai, avec Luna. Assez longtemps pour crier victoire et fermer les yeux en toute quiété. Assez longtemps pour ne rien regretter. La deuxième fois qu'ils se sont embrassés, Luna et elle, c'était quand, essoufflée après une marche particulièrement musclée, elle s'était retrouvée bras dans les bras, emportée par la foule et, indubitablement, bouche contre bouche. Ça n'avait pas de signification. C'était un baiser dans le feu de l'action, mais un baiser plein de passion tout de même. Il était sans arrière-pensée et déjà plus honnête que le premier. Elle n'en avait pas reparlé. Ça ne valait même pas une discussion. C'était un baiser non anticipé. C'était un baiser de remerciement, de partage, presque d'amitié. Désormais, Fleur fait partie entière du quotidien de Luna, de sa bande. Après la réunion, elle se retrouve au café à côté de l'église Saint-Sulpice, là où les femmes s'aiment aux yeux de tous. Luna, Ginny, Gabrielle sont là, ainsi qu'Hermione Granger, une grande intellectuelle extrêmement intelligente, Lavon Brown, l'écrivaine incontournable de romance, et Parvati Patil, une scientifique qui passe la plupart de ses nuits à danser sur des rythmes endiablés dans les soirées espagnoles qui se tiennent vers Jussieu. Gabrielle repart bien assez tôt. « Je vous aime bien, mais j'ai des choses à faire. » C'est dimanche, jour du Seigneur, et personne ne lui demande ce qu'elle peut bien avoir à foutre un dimanche. Mais Fleur, qui a quitté son appartement il y a quelques jours à peine, sait que la cachetière s'est trouvée un nouvel amant. La place se libère donc, et Ginny s'approche de Fleur, qui se sent avoir un vertige soudain. Elle ne sait jamais sur quel pied danser avec elle. Le peu d'échanges qu'elles ont eus s'est limité à des banalités sans fin, et Fleur redoute chaque moment d'intimité qui pourrait les réunir. Ce n'est pas particulièrement logique, parce que Ginny est une femme superbe, loyale, engagée, une véritable tigresse et une militante fiable. Mais elle est incapable de passer outre son ressentiment. Elle est si piquée que cette dernière possède le cœur de Luna qu'elle ne peut s'empêcher de la détester. Et elle préfère garder ses distances si ça ne dérange personne. Un échange d'amabilité un peu hypocrite, oui, mais tenir une longue discussion, partager des secrets et des confidences, cela, jamais. Sauf que cette fois, Ginny a apparemment décidé de mettre ses plans à mal. Elle se penche pour demander du feu à Fleur qui s'exécute et se retrouve embrigadée dans une discussion qu'elle n'a pas souhaitée. Ça se passe bien, le retour à la colocation? Oui. Ils t'emmerdent pas trop, ces idiots? Non, non, ça va. Fleur essaie, vraiment. Elle essaie, et c'est par le biais d'efforts surhumains qu'elle accepte de répondre quelque chose. Mais elle ne peut pas faire plus. Elle se rend bien compte que ses mots sont froids et distants, mais elle espère que ça convient à Ginny et que, si ça ne lui convient pas, au moins ça la décourage d'aller plus loin. Mais apparemment, le destin s'acharne. Tu ne m'aimes pas beaucoup, n'est-ce pas? Fleur sent une bouffée de chaleur subite l'envahir. Oh, je ne suis pas née de la dernière pluie. Je sais bien comment ça fonctionne. Ne me prends pas pour une idiote. Ginny ne passe pas par quatre chemins. Elle est fonceuse et féroce, et Fleur est certaine que cela a plu à Luna. Mais elle est l'inverse de cela. Elle jette un regard paniqué à la dite Luna qui ne semble pas l'avoir remarqué. Alors elle prend la parole, en forçant un sourire qu'elle tente le plus sincère possible. « J'estime que tu es une personne pleine de qualités. Ça n'a pas d'importance que je t'apprécie ou ne t'apprécie pas. Au contraire, c'est primordial. Pourquoi ce froid entre nous? Ce serait plus désagréable si on en parlait. Ce serait plus agréable si on en parlait pour pouvoir passer au-delà et faire tomber les barrières. Pour moi, en tout cas, ce serait libérateur. » Elle a un regard tellement déterminé que Fleur ne peut plus se résoudre à faire des détours. Il faut qu'elle assume, elle lui doit bien cela. Car en vérité, Ginny n'a jamais rien demandé. Mais plus elle réfléchit à ce qu'elle pourrait bien dire, plus elle se sent misérable. Dans le fond, elle sait qu'elle n'a pas de bonne raison pour ne pas l'aimer. Et c'est là tout le tragique de cette histoire. Elle qui prétend à une solidarité catégorique entre femmes n'est pas foutue de l'appliquer dans son cercle le plus rapproché. Car oui, elle a beau le nier, mais Ginny fait désormais partie de son cercle rapproché. « C'est stupide !» avoue-t-elle finalement après un long combat interne. « Elle sait quand même. » Et comme Fleur lance des regards anxieux autour d'elle et que Ginny n'est pas bête, cette dernière la prend par la main en lui interjectant de venir et Fleur se laisse faire. « On va marcher un peu. » Fleur la suit. Comme une automate, ou une condamnée à mort, elle a l'impression qu'elle court à la décapitation. Mais maintenant qu'elle y est, elle se dit « Pourquoi pas ? Elle pourrait bien tout lâcher. » Alors c'est ce qu'elle fait, elle lui lâche la vérité. « Je ne t'aime pas parce que tu me prends, Luna. » C'est si maladroitement dit qu'elle se maudit et reprend. « Je veux dire que je suis amoureuse de Luna et toi, vous deux, vous avez l'air si heureuse. Et je me sens mal de la vouloir ainsi alors que vous êtes ensemble et... En même temps, je te déteste d'avoir son cœur, mais je ne peux pas vraiment te détester non plus, car tu es tellement parfaite que l'idée de te détester par jalousie me donne la nausée. Alors déjà, je ne suis pas parfaite, loin de là, crois-moi. Ensuite, Luna et moi, c'est donc ça le problème? On est juste amis? L'absurdité de la situation la frappe de plein fouet. Ginny pouffe carrément. Bon sang, si j'avais su. On aurait dû briser la glace dès le début. Luna est libre comme l'air, tu sais. Fleur se sent bête. Elle se demande si, vraiment, elle a perdu tout ce temps. Je vous ai surpris en train de vous embrasser. Ah bon? Quand ça? Demande Ginny avec défi. Il y a plusieurs mois. On a eu une petite aventure de quelques semaines à un moment. Rien d'important. On croyait qu'on pouvait construire quelque chose ensemble, mais on s'est vite rendu compte qu'on était meilleures amies avant d'être amantes. Fleur ne veut pas y croire. Ça ne peut pas être réel. Ça ne peut pas faire un an qu'il se fait des films idiots dans sa tête. Ça ne se peut tout simplement pas. Mais vous vous voyez tous les soirs, ajoute-t-elle faiblement. En tant qu'amie. Et pour les réunions du cercle, comme avec toi maintenant, sauf qu'avant tu n'en faisais pas partie, mais tu vois bien maintenant que tu y es, à quel point c'est prenant. Parce que vous êtes stupides toutes les deux. Je pensais que tu te moquais d'elle, moi. Je pensais que c'était un jeu pour toi. Un jeu? Oui, un jeu. À chaque fois qu'elle me racontait ses histoires, je te maudissais. Je l'avoue, moi non plus, je ne t'appréciais pas beaucoup parce que j'étais persuadée que tu la faisais consciemment languir et souffrir. Ajoutez à cela avec ta relation avec mon frère. Il peut bien coucher avec qui il veut, je m'en moque. Mais toi, dont Luna me parlait tant, je te prenais pour une manipulatrice. Elle te parlait de moi? La modèle insaisissable qui hantait ses pensées. Tu veux rire? Évidemment qu'elle a parlé de toi, elle ne fait que ça. Fleur n'en revient pas. Sa tête tourne et elle sent qu'elle pourrait s'évanouir. Et ses intentions? Commence-t-elle incapable de terminer? Il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains et que tu lui demandes directement. Je vais pas tout faire à votre place, déjà qu'il a fallu attendre un an pour qu'on ait cette discussion. J'en viens toujours pas. Je n'arrive pas à la saisir. Elle est tellement mystérieuse parfois. Beaucoup moins que tu le crois. Ça la rend malheureuse d'ailleurs que tu la mystifies autant. Elle est une femme comme les autres, avec ses qualités et ses défauts. Même si j'entends aussi qu'elle est totalement à part, que c'est un joyau brut et précieux, et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'elle soit appréciée à sa juste valeur. Pas surestimée, pas sous-estimée. Elle mérite cela au moins. Elle me parle toujours en énigme, je n'arrive jamais à la comprendre. Vraiment? Alors pose-toi la question, est-ce que tu l'aimes réellement? Et si ce n'est pas juste un fantasme de Luna que tu désires? Parce que si tu lui parles, pour de vrai, tu te rends bien compte à quel point ses paroles sont ancrées dans le réel. C'est juste qu'elle a une façon bien à elle de le formuler. J'ai l'impression que tu pars du principe que vous êtes issus de deux mondes différents alors que, vraiment, vous êtes exactement au même endroit. Et je le pense d'autant plus que je réalise à quel point vous êtes toutes les deux stupides et aveugles. Tu parles français, non? Elle aussi, je t'assure. Tu as lu le poème qu'elle t'a offert pour ton anniversaire? Comment plus belle déclaration d'amour peut être faite? Comment ne pas lui tomber dans les bras à la minute même où tu l'as revue? Ça, je ne comprends pas. Enfin, c'est une erreur de croire qu'elle s'exprime en chinois alors qu'elle parle désespérément français. Donc si tu as quelque chose à lui dire, fonce. C'est mon unique conseil. Et si on pouvait avoir une relation plus apaisée, toi et moi, ça m'arrangerait. Elle en a souffert aussi de notre inimité, tu sais. Les jambes de Fleur se dérobent et Ginny doit la soutenir. C'est trop. Trop d'émotions dans sa tête, dans son cœur qui bat la chamade. Trop de souvenirs qui reviennent à elle. D'éclaircissements, de regrets. Ça va? La seule chose que Fleur trouve à dire, ou les seuls mots qui veulent bien sortir, sont si loin de ses réelles préoccupations et, en même temps, en plein dedans, sont risibles. Je n'ai jamais fait ça avec une femme. Ginny se permet de rire, justement, alors qu'elle l'aide à s'asseoir sur un banc. C'est exactement comme avec un homme, mais en mieux. Raconte-moi, donne-moi des conseils, s'il te plaît. Elles reviennent de leur promenade confession quelques minutes plus tard, le temps d'échanger les fameux conseils, avec une expression apaisée sur le visage, et Luna, en les voyant ainsi arriver, applaudit discrètement. Certainement qu'elle devine la réconciliation et Fleur se sent nulle de n'avoir pas remarqué auparavant à quel point elle avait pu être affectée par leur adversité plus ou moins déguisée. Elle se dit que c'est le moment. Ouvre ton cœur, Fleur, ouvre ton cœur. Pourquoi est-elle si incapable, si lâche lorsqu'il s'agit de Luna? Bill, aucun souci. Toutes les autres, aucun souci. Mais Luna gronde dans le ventre et courage de nourrisson. Encore que c'est sévère pour les nourrissons. On mange une glace ce soir toutes les deux? Après la réunion? Oui. Oui, si tu veux. Elles apprennent leur glace au niveau de l'île Saint-Louis. Il fait un peu frais maintenant. Fleur pense à un moyen subtil mais direct de se confier. Ce n'est pas évident de trouver un compromis parfait. Luna, elle lève la tête vers elle, les yeux toujours aussi interrogateurs. Du chocolat pend sur le bout de son nez, sur le coin de ses lèvres, et d'où Jésus, ce que Fleur l'aime. Tu mérites un amour décoiffant, qui te pousse à te lever rapidement le matin, et qui éloigne tous ces démons qui ne te laissent pas dormir. Tu mérites un amour qui te fasse te sentir en sécurité, capable de décrocher la lune lorsqu'il marche à tes côtés, qui pense que tes bras sont parfaits pour sa peau. Tu mérites un amour qui veuille danser avec toi, qui trouve le paradis chaque fois qu'il regarde dans tes yeux, qui ne s'ennuie jamais de lire tes expressions. Tu mérites un amour qui t'écoute quand tu chantes, qui te soutient lorsque tu es ridicule, qui respecte ta liberté, qui t'accompagne dans ton vol, qui n'a pas peur de tomber. Tu mérites un amour qui balayerait les mensonges et t'apporterait le rêve, le café et la poésie. C'est le meilleur moyen de faire passer son message. C'est ce qu'elle se dit. Elle ne peut pas être plus claire et plus subtile en même temps. D'ailleurs, elles n'ont jamais eu l'occasion de vraiment en parler parce que Fleur s'est défilée, s'est contentée d'un merci larmoyant et qu'en même temps, elle était tout pleine de reproches envers Luna pour l'avoir abandonnée ce soir-là et ne pas lui avoir parlé du cercle féministe. Bien que les reproches moururent très vite, car Luna est si bienveillante que c'est difficile de lui faire la tête pendant plus de 2 minutes. Mais les yeux de Luna sont deux opales indéchiffrables. Fleur se ronge les ongles. Elle est d'une nervosité sans précédent. « C'est mon poème », finit par murmurer Luna. Fleur manque de lever les yeux au ciel. « Et je te le déclame. » Luna n'a vraiment aucune idée de ce qui est sous-entendu. Ou alors elle fait semblant, ou bien elle a besoin de mots plus concrets. Mais c'est Luna. Ça l'étonnerait. « Je te le déclame en passant chacun de ces mots. Tu m'as donné ce poème et je te le donne en retour. » Luna ferme les yeux et ne les rouvre plus. C'est une drôle de réaction que Fleur ne sait pas interpréter. « Luna, s'il te plaît, parle-moi. » Luna, toujours les yeux fermés, lui demande, non, lui prie, de lui dire ce qu'elle a derrière la tête. Tout est fragile, tout ne tient plus qu'à un fil. Avec les bons mots, tout pourrait se résoudre ici, et cela rend Fleur infiniment plus fébrile. « Je veux être cette personne-là, pour toi. » Je veux être cette personne-là pour toi, t'apporter du café, des rêves et de la poésie, surtout de la poésie. Je veux danser avec toi et trouver le paradis chaque fois que je regarde dans tes yeux et ne m'ennuyer jamais de lire tes expressions. C'est déjà le cas. Laisse-moi être cette personne, s'il te plaît. Elle a déballé son amour avec tellement de verve et de passion et d'urgence que Luna s'est mise à ouvrir les yeux et son expression est toujours aussi peu lisible, mais le choc, lui, est évident. Elle continue de ne rien dire et Fleur n'en peut plus. Les larmes coulent sur ses joues, son cœur bat plus fort qu'un tambour, ses jambes faiblissent, elle voudrait hurler « Réponds-moi !» Mais si elle a bien retenu ses leçons, c'est qu'il est absolument contre-productif de bousculer les gens, même ceux qu'on aime. Alors elle attend, et chaque seconde la rapproche un peu plus de sa mort. 100, 210, 469... Alors que Fleur n'a plus d'espoir, un souffle lui répond. Est-ce que les verbes peuvent s'inventer? Je veux t'en donner un, Fleur. Je te ciele, et ainsi mes ailes s'étirent, énormes, pour t'aimer sans limite. La respiration de Fleur s'assoupit doucement. Elle retrouve un rythme plus vivable. Les mots ont été lancés. Elles les ont toutes les deux reçus. Il ne reste plus qu'à les prendre en compte pour de bon. Mais aucune n'ose bouger. Elles sont comme deux âmes errantes au milieu de la nuit, deux statues amoureuses. Et l'extase qui les remplit est trop forte et en même temps trop fragile pour qu'elles s'aventurent à la détruire. Alors pendant de longues minutes, elles restent statiques, chacune dans son coin, chacune à méditer, anxieuse de briser la beauté du moment. C'est Luna qui fait le premier pas. Fleur lui en est reconnaissante, elle en aurait été incapable. Luna s'approche, discrète comme une ombre, et l'entoure de ses bras. Fleur la laisse faire. Fleur ne peut pas bouger. Elle est tétanisée, hébétée. L'étreinte, doucement, l'aide à se détendre. Ses épaules se relâchent, sa tête cherche le contact avec celle de Luna, et elle reste encore un long moment comme ça, toujours figée. Il fait de plus en plus frais et, ça ne manque pas, elle se met à trembler. Alors l'étreinte se resserre, mais seul un mouvement direct pourrait les réchauffer, ou l'abandon total de leur sens, sauf qu'elle n'ose toujours pas s'y risquer, ne désirant pas briser ce moment. À la place, Fleur se retourne, lente et délicate, de façon à ce que leur visage se retrouve face à face, sans échappatoire possible. C'est ainsi que se dessine leur troisième baiser, le premier qui soit vrai, premier d'une longue lignée d'autres baisers d'amour. Les langues viennent se chercher et s'enroulent avec délicatesse et attention. Elles veulent communiquer la même chose. Fais-moi confiance, je serai là pour toi. C'est le plus beau baiser que Fleur ait connu. Elle pense à une chose. Il faudra absolument qu'elle remercie Ginny. Fin. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu.